Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Une belle surprise ce soir pour ouvrir l'émission, le tout nouveau Curse Pink qui a pour titre Prisons of Life. C'est le successeur de Mystic Spirit paru en 2013, donc ça fait 8 ans que le groupe n'avait pas présenté d'album et c'est son 7e album studio. Ce sera suivi de Caligonaut, Magnified as Giants, et on va conclure cette première demi-heure norvégienne, somme toute, avec 35 Tapes, qui nous a présenté dernièrement son second album intitulé Home. Mais pour l'instant, on y va avec cette belle surprise que j'attendais depuis quelques années, Curse Pink, Prisons of Life. My old man said, work first, then joy. Obey your mama, be a good boy. Take nothing for granted. You'll repay. picture a blue sky, snow-peaked mountains, gentle breeze in the air. There is laughter and singing, wedding bells ringing, celebrations in the streets. Well, if this isn't paradise, it's close enough, close enough for me. Town seemed the star.

me a hush gray world. Don't let the day begin. Blacked out, silent, without a neon light, the panic they bring. Blacked out, silent, forgive my feeble mind. Cette fois, on va faire un tour du côté de l'Italie avec un groupe qui a pour nom Raven Sad. Je sais que c'est pas la première fois que j'en présente. C'est leur plus récent et quatrième album studio, The Leaf and the Wing. Un disque vraiment qui gagne à chaque écoute. Ce sera suivi d'une nouveauté. Le groupe a pour nom Eternal Return et l'album Once Only. On retrouve dans cette nouvelle formation l'ex-bassiste de Porcupine Tree, le Colin Edwin. Et puis, mon Dieu, après quelques écoutes, je vous dirais que ça me fait penser par moments à No Man. Et ça, c'est probablement à cause du chant. Je vais vous laisser juger par vous-même, mais je trouve qu'il y a quelques atomes crochus. Ça sera suivi de Mir, M-E-E-R. L'album a pour titre Playing House et c'est un second album pour cette formation norvégienne qui a déjà lancé un album en 2016. C'est éponyme, donc Mir en 2016. Et on va presque conclure, boucler la boucle en tout cas parce qu'on retourne à notre point de départ, l'Italie, avec une nouveauté. C'est un projet du multi-instrumentiste italien Alberto Barro Molesini. Et le nom de son projet, c'est le Barro Prague Jets. En deux mots, le PROG-JETS. L'album a pour titre Utopie. Et c'est pas un débutant. Le monsieur a déjà présenté en 2019, quoi, il y a deux ans, un double album. C'est un début assez marquant. Donc, un double album qui avait pour titre Lucilio et Giada. Et puis, c'est du prog italien à son meilleur. On y va, donc, nous, avec Ravensad, The Leaf and the Wing. We'll be right back. she'll be free. Build a cage and lock her in and throw away the key. Try your best with all your spells, your tails, your snares and strings. out the stranger in the town. Soldiers paid to tear my darkness down. Bye. Cette fois-ci, on va faire un tour du côté de l'Italie avec Logos, l'Enigma della Vita. Le disque a été réédité fin 2020 avec un disque en concert en bonus. Ce sera suivi de, ça c'est un de mes coups de cœur dans les années 70, Sebastian Hardy, un groupe australien, un des rares groupes australiens des années 70. Et là, on parle ici de leur troisième album. Et puis, ce sera suivi de Laughing Stock. Ça, c'est une nouveauté norvégienne. Ça va paraître le 19 mars. L'album a pour titre Zero Acts 1 and 2. C'est le troisième album, ou le quatrième selon le cas, parce que du groupe, parce que ils ont réenregistré l'année dernière leur tout premier album qui est apparu pas si longtemps, en 2018, The Island, donc deux fois le même album. Et puis, ben, on va conclure avec Cristadoro, un petit bijou italien avec Fabio Zuventi notamment. Il y avait aussi Paolo Botta, le claviériste de Not a Good Sign. Et puis, parmi les invités, on retrouvait Franco Mossida de PFM. Mais pour l'instant, nous, on y va avec Logos, l'énigme de la vie. Not without the force. Thank you. contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente, quando il mio percorso si fa incerto. Thank you. sentito in certi monasteri una vibrante intesa di tutti senza in festa, sono solo l'ombra della luce. Dernière demi-heure en votre compagnie. On va amorcer cette dernière section de l'émission avec Asia Minor de leur plus récent Point of Liberation. Ce sera suivi par Logos de leur plus récent, je vais juste vous donner le premier mot, Sadako. Vous savez très bien que c'est un nom, un titre à rallonge. Et ce sera suivi de Sonus Umbra, le plus récent A Sky Full of Ghosts. Et on y va avec Asia Minor. Lives and roads, cold ground. never been so neat, has never been so neat, so neat. In the long cold years kingdom, it's only left a vague notion of time, nothing of wisdom. Silence is not a crime. ti attendevano attenti, con le mani secche e i menti appuntiti, tanto abbruttiti da stonare. Non voleva tornare, ma il bagliore del cristallo e il sole giallo in un lampo dalle tende annerite, come un vento ammicchiarono a foglie d'argento, sgomento lasci il sogno e contento ti accoccoli a fuoco lento. Anche se ti sei spento, non basta mai un giaciglio per chi sta sempre sveglio. Through a nightmare of endless skies, my by desolation, dreams of childhood, elegies and lies, as ghosts of dying stars in gothic eyes. And nothing ever changes, morning never breaks. Hallucinating phantom friends, a family of fakes. Looking past the veil that's been me, wondering where is home, and what is home? Is it this vacant zone, or some far unknown destiny? Is it real, or just insanity? I refute my fate as I Eh bien, c'est déjà le temps de vous quitter. Je vous invite à rester des nôtres dans quelques instants, l'autoroute. Et puis moi, je vais vous laisser avec un coup d'œil dans le rétroviseur. On a écouté en début de cette section Asia Minor de leur plus récent album Point of Liberation, un disque qui est paru 40 ans après Between Flesh and Divine. Et on va conclure cette soirée avec le tout premier album de Asia Minor qui avait pour titre Crossing the Line, paru en 1979. Donc, restez les nôtres et puis ben, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita et sur ce, bonne nuit à notre écoute. sokaklarında arar durmadan o sevgiliyi şehrin karanlıklarında mutsuz yollarında masum gözleri bitkin ve halsizdir haykırır durur adını her gece sevgi denince aklına her an o gelir kara sevdası sevgilisi sevgi denince aklına her an o gelir kara sevdası sevgilisi sessiz gecenin sokaklarında arar durmadan o sevgi mahzun gözleri bitkin ve halsizdir haykırır durur adını her gece sevgi denince aklına her an o gelir kara sevdası sevgilisi sevgi denince aklına her an o gelir kara sevdası